un conte arménien. Enfant serpent, enfant soleil. Il était un roi qui n'avait pas d'enfant. Tous les médecins consultés à ce sujet n'y avaient trouvé aucun remède. Et de dépit, dans son chagrin, il s'était adonné avec passion à la chasse. Un jour, il remarqua un serpent qui dormait, enlacé avec ses petits. Il s'arrêta à le regarder avec un sentiment d'envie et son cœur se serra à cette vue. « Eh quoi ? » dit-il à Dieu en lui adressant sa plainte. « Tu ne veux pas même faire attention à moi, autant qu'à un serpent, et tu me laisses souffrir sans enfant. » La vue de ce serpent ne sortait pas de sa mémoire. Miracle de Dieu, quelque temps après, la reine s'aperçoit qu'elle est enceinte et quand le moment de la délivrance arrive, elle met au monde un enfant, moitié homme, moitié serpent. On fait part de la nouvelle au roi qui donne l'ordre de jeter l'enfant dans un puits, hors de la ville. Mais les médecins et les gens de bon sens veillent sur cet enfant. Ils déclarent que tant qu'il sera enfant, on lui donnera chaque semaine une petite fille à manger. Et quand il sera devenu grand, on lui donnera une jeune fille. Et c'est ce que l'on fit. L'enfant serpent était devenu grand, et c'était au tour de la fille d'un pauvre homme de lui être offerte en pâture. Cet homme était marié en secondes noces. Il avait une fille de son premier mariage, et sa seconde femme avait aussi une fille à elle. La femme insistait pour qu'on donnât la fille de son mari. Mais celui-ci disait « Non, ce sera ta fille. » Dans ces sortes d'affaires, c'est toujours la volonté de la femme qui finit par l'emporter. La marâtre prépare les effets de sa belle-fille pour l'amener le surlendemain. La pauvre jeune fille ne cessait de pleurer en présence de Dieu. La nuit, elle eut un songe. « N'aie pas peur, » lui disait-on dans ce rêve. « Dis à ton père de placer près de toi, dans le puits, 3 pots de lait. Prends aussi un couteau et que ton père t'enveloppe dans la peau d'un mulet et te suspende à l'ouverture du puits. Le serpent t'appellera en disant « Sors de ta peau de mulet pour que je te mange. » Alors tu lui répondras 3 fois « Sors de cette chemise de serpent pour que je te lave dans du lait. » Alors le serpent quittera son enveloppe. Tu couperas avec ton couteau la corde qui te maintient suspendue dans le puits. Tu sortiras de ta peau de mulet et tu le laveras dans le lait. La jeune fille raconte à son père le rêve qu'elle a eu. Le père se met en devoir de tout préparer en invoquant le nom de Dieu et en récitant la prière « Je confesse avec foi », etc. Il conduit sa fille et la suspend à l'orifice du puits. Le serpent arrive. Il commence à crier. La jeune fille lui répond. De colère, il déchire sa propre peau et sort de son enveloppe de serpent. La jeune fille coupe la corde et tombe dans le puits. Elle tombe sur la bouche et se casse une dent. Elle prend le jeune homme et le lave dans le lait. Puis ils se mettent à causer ensemble. À ce moment, le père de la jeune fille survient. Il se penche sur l'ouverture du puits pour voir si le rêve de sa fille s'est réalisé. Quand il voit qu'elle est vivante et qu'elle cause avec le jeune homme, il court avertir le roi. Celui-ci arrive avec la reine et toute la cour. On s'empresse de retirer du puits le jeune homme et la jeune fille. On les amène au palais. On fait de grandes réjouissances et on les marie. Après cela, il y eut une guerre. Le jeune homme dut quitter le palais pour s'y rendre. Il recommande à la reine-mère de ne jamais laisser sortir sa belle-fille de la maison, sous quelque prétexte que ce soit, pas même si on venait la demander de la part de sa mère. « Bien, » dit la reine. Mais une quantité innombrable de démons était entrée dans le cœur de la marâtre. Elle ne pouvait se résigner à voir le bonheur de sa belle-fille. Elle feint d'avoir un vif désir de la revoir. Elle se rend elle-même au palais. Elle y envoie son mari, priant, suppliant que la jeune princesse vienne leur rendre visite. À la fin, la reine ne peut résister à toutes ses prières. Elle laisse aller la jeune femme. La marâtre se rend au bord d'une rivière avec sa fille et celle de son mari pour laver le linge. Quand l'ouvrage est terminé, elle s'asseye au bord de l'eau. Tout à coup, la marâtre donne un coup de pied à la bru du roi qui tombe dans l'eau. Le courant l'emporte à la mer. La marâtre revêt sa fille des vêtements que l'autre avait quittés pour laver le linge. Et elle l'envoie ainsi parée chez le roi. Mais voyons ce qui était advenu à celle qui avait été emportée à la mer. La pauvre malheureuse avait rencontré un tonneau et, en s'y cramponnant, elle avait échappé à la mort. Poussée par les vagues, elle aborde un rivage désert. Elle sort de l'eau, marche longtemps, longtemps, sans rencontrer trace d'homme. Elle invoque son Dieu. Elle s'assoit à terre et se met à pleurer. Puis elle se relève et recommence à marcher. Elle était nue. Elle ramasse des herbes tendres qu'elle tisse en forme de vêtements dont elle couvre sa nudité. Elle continue son chemin. Tout à coup, elle découvre une petite cabane faite de branches d'arbres entrelacées. Elle s'approche doucement, sans faire de bruit, regarde à travers les fentes et aperçoit un jeune homme vigoureux qui était couché et qui dormait. Elle s'assied à l'entrée de la cabane. Le soleil se couche. Le jeune homme se réveille. Ses yeux rencontrent la jeune femme. Il croit que c'est une vision diabolique. Il fait plusieurs signes de croix, mais elle ne s'en va pas. « Qui es-tu ? » demande-t-il. « Comment et pourquoi es-tu venue ici ?» Elle lui raconte son histoire. Et à son tour, le jeune homme lui raconte la sienne. « Je suis, lui dit-il, le fils d'un homme célèbre et très riche. Il ne me manquait rien à la maison paternelle. Je passais mon temps à me promener et j'allais tous les jours à la chasse. Il arriva une fois qu'après avoir chassé 3 jours sans prendre aucun gibier, de colère, je me dis que le lendemain au lever du soleil, je tirerai avec mon arc sur le front du soleil. Je voulais le tuer. Le soleil serait tombé, et puisque je ne trouvais pas de gibier, le monde retomberait dans l'obscurité et je serais vengée. Je tenais mon arc à la main quand le soleil commença à montrer sa tête dans le ciel. Un trait de flamme me perça les yeux, et une main de feu, me saisissant par les cheveux, m'enleva et me déposa dans cette île. Je fus maudit et condamné à ne plus voir ni le soleil ni le jour. C'est pourquoi je dors dans cette hutte pendant le jour. Si je sortais, je mourrais. Je sors la nuit pour recueillir ce qui est nécessaire à ma nourriture. » Le jeune homme et la jeune femme habitèrent ensemble la hutte, la femme travaillant le jour et l'homme la nuit. Voilà celle qui vivait avec l'enfant serpent. Elle vit maintenant avec l'enfant soleil. Quelque temps après, elle devint enceinte. L'enfant soleil écrivit à ses parents une lettre ainsi conçue. « Voilà votre bru que je vous envoie. Gardez-la chez vous, mais ne me cherchez pas. Je ne peux pas voir le soleil et je ne puis entrer ni dans notre ville, ni dans notre maison. Si je tentais de le faire, je mourrais, car je suis maudit. » Il remit cette lettre à sa femme, l'accompagna pendant la nuit et revint seul chez lui. La bru remet la lettre à son beau-père. Celui-ci la prend et la lit. En apprenant que leur fils est vivant, les parents ne veulent pas entendre raison. Ils veulent à toute force aller chercher leur fils. La bru, de son côté, insiste pour leur faire renoncer à leur projet, qui, s'il eût été mis à exécution, aurait causé sa mort. Les jours sont accomplis, l'enfant vient au monde, elle le dépose dans le berceau et compose pour le bercer et l'endormir une complainte où elle raconte ses malheurs. Tandis qu'elle chante ainsi pendant les heures de la nuit, elle entend une voix au dehors qui lui répond. Il lui semble reconnaître la voix de l'enfant soleil, qui se tient là, dehors, et qui ne peut entrer. La belle-mère et le beau-père entendent aussi ce chant nocturne qui répond à celui de leur bru. Ils ont des soupçons et se figurent qu'elle a un amoureux. La jeune femme, ne pouvant les convaincre de leur erreur, leur déclare que c'est leur propre fils qui, chaque soir, vient poussé par son amour pour son enfant. « Mais si vous le faites entrer, ajoute-t-elle, il mourra. » « Ce n'est pas vrai, lui répondent-ils, il y a quelque mystère là-dessous. » Ils se concertent entre eux. « Nous allons surprendre celui qui vient ainsi chaque nuit. Si c'est notre fils, nous serons heureux de le voir. Et si c'est un étranger, nous donnerons à notre bru ce qui lui est dû et nous la chasserons. » Le soir venu, ils entendent la voix du dehors. Ils sortent, ils saisissent l'individu, ils reconnaissent leur fils. « Laissez-moi m'en aller, leur dit-il, si au lever du soleil, je ne suis pas dans ma hutte, je mourrai. Ayez pitié de ma vie, je suis maudit, laissez-moi. » Ses parents ne veulent pas le croire, ils ne l'écoutent pas, et voilà que le matin arrive, le soleil paraît. Il meurt entre leurs mains. Il est mort, mais son âme n'a pas quitté son corps. Ils se disent, quand le soleil sera couché, il se réveillera. Mais il ne se réveille pas, et la maison se change en une maison de deuil. Tout le monde pleure, se lamente. Mais à quoi bon? Il n'était pas complètement mort pour qu'on puisse l'enterrer. Il n'était pas non plus vivant pour qu'on puisse le faire lever et s'entretenir avec lui. Dans leur douleur, ils se frappent la tête avec des pierres. Les sanglots les suffoquent. Enfin, sa mère, pendant le sommeil, entend une voix qui lui dit « Levez-vous, mettez des sabots de fer, prenez en main un bâton de fer et marchez en vous dirigeant tout droit vers le couchant. Et quand vous verrez que vos sabots sont troués, et que votre bâton se brisera, à cet endroit, vous trouverez le moyen de sauver votre fils. » Une mère a toujours le cœur tendre. Elle se lève dès qu'il fait jour, et laissant de côté toute autre préoccupation, elle se hâte de commander des sabots de fer et un bâton de fer, et se met en route. Son voyage dure des années. Elle arrive à un endroit où il n'y a plus ni homme noir, ni homme blanc, ni oiseau, ni bête. Enfin, elle arrive au bout du monde. Elle aperçoit dans le lointain un palais de marbre bleu. Elle y dirige ses pas. Lorsqu'elle arrive devant la porte, son bâton tombe et se casse. Elle enlève ses sabots et les secoue. Elle voit qu'ils sont troués. Elle se dit « C'est ici que je trouverai le salut de mon fils. » Elle entre par la porte et pénètre dans un vestibule, puis dans un autre. Il y en avait ainsi 12, et tous étaient ornés de colonnades, et des milliers d'étoiles y dormaient. Au milieu de ces vestibules, il y avait de grands bassins. Mais il n'y avait ni arbres, ni oiseaux, ni bêtes, ni autres créatures. Partout régnait le silence. Dans le vestibule central, au milieu du bassin, se trouvait un kiosque d'or. Et dans ce kiosque, une reine, assise sur un lit de perles. Elle était lumineuse. La mère de l'enfant soleil s'arrête, les yeux grands ouverts à cette vue. La tête lui tourne. Mais la reine, lui adressant la parole avec douceur, lui dit « Tu dois certainement être bien malheureuse pour être venue jusqu'ici au prix de tant de souffrances. Dis-moi ta douleur, peut-être y trouverai-je un remède. » « Je suis mère, répond la femme, je suis venue te trouver pour te demander conseil. Comment pourrais-je faire revenir la vie de mon enfant ?»« Ton fils est méchant, répond la reine. Moi aussi, je suis mère. Je suis la mère du soleil. C'est à la chaleur de mon fils que la mer et la terre s'éclairent. Et ton fils a voulu tirer une flèche sur lui. Ton fils est maudit. Il est condamné à rester privé de la lumière du soleil, vivant et ne vivant pas, mort et cependant pas mort. Je suis mère, répète de nouveau la mère de l'enfant soleil. J'ai souffert pour mon enfant. C'est par amour pour lui que j'ai entrepris ce long voyage. Je te le demande à toi-même. Pour l'amour de ton fils le soleil, dis-moi ce que je dois faire pour le sauver. La reine, émue de pitié, lui dit « Beaucoup d'enfants doivent à leur mère de jouir de la vue du soleil, quoiqu'ils en soient indignes. Mais toi, sauve-toi et va te cacher derrière ces astres. Mon fils va bientôt venir. Il ne faut pas qu'il te voie. » Après être entré dans le bassin pour se baigner, il sortira de l'eau et viendra téter le lait de mes seins. Quand je serai en train de le nourrir, remplis une bouteille d'eau du bassin d'où il sera sorti et porte-la à ton enfant. Répands-la sur lui et il sera guéri. Peu après, le soleil arriva. Il entra dans l'eau avec ses flèches. Les astres se réveillèrent et se levèrent pour le saluer. La reine le prit dans ses bras et le fit sortir de l'eau. Elle le coucha sur son lit et lui donna le sein. Au moment où les étoiles s'élevaient vers le ciel, la mère de l'enfant soleil sortait du palais, tenant en main la bouteille pleine d'eau. Elle arrive saine et sauve auprès de son fils. Elle jette l'eau sur lui, et le voilà guéri. Cette histoire merveilleuse se répand à travers le monde entier et des régions les plus lointaines à court des rois, des philosophes avides de voir la mère et le fils et d'entendre raconter ses prodiges. Il arriva que l'enfant serpent se trouva aussi au nombre des visiteurs. Il y avait longtemps qu'il était rentré chez lui. Or, on avait remplacé par une dent en or celle que sa femme s'était cassée en tombant dans le puits. Ne voyant pas cette dent dans la bouche de sa femme, il avait compris ce qui était arrivé, que la marâtre avait fait périr sa femme et lui avait substitué sa propre fille. Voilà la conséquence du Nameram. L'enfant serpent en avait été bien affligé et il était venu demander conseil à la mère de l'enfant soleil afin de retrouver sa femme si c'était possible. L'enfant soleil retint chez lui l'enfant serpent. Pendant qu'il prenait leur repas, celui-ci lui raconta ses ennuis. La bru servait à table. Elle se met à sourire et laisse voir sa dent d'or. L'enfant serpent la regarde. Il reconnaît sa femme. L'enfant soleil raconte à son tour comment il a fait la rencontre de sa femme. Ils convinrent d'agir ainsi. Ils feront manger du kebab très salé à la bru et iront faire une promenade à cheval dans la campagne en se munissant chacun d'un vase d'eau. Celui des deux à qui la jeune femme demandera à boire l'aura comme épouse. La jeune femme les accompagna donc, tenant son enfant dans ses bras. Elle ne voulait faire de peine ni à l'un ni à l'autre, mais sa soif était si intense que, se voyant sur le point de s'évanouir, elle s'écria « Enfant soleil! Enfant soleil !» L'enfant soleil descend de cheval. Tout heureux, il se met en devoir de lui donner à boire. Mais en même temps, elle crie « Enfant serpent! Enfant serpent !» Celui-ci descend de cheval et s'apprête à lui offrir de l'eau. La jeune femme, debout entre les deux, tourne la tête du côté de l'enfant soleil et lui dit « Prends cet enfant, il t'appartient. Quant à moi, je suis mariée avec l'enfant serpent. » À ces mots, elle boit l'eau que lui présente l'enfant serpent et s'en va avec lui. Fin du conte « Enfant serpent, enfant soleil » traduit par Frédéric Maclaire. Note, Nameram, mot turc, désignant le fait que les femmes se cachent des hommes en se voilant. Fin de note.